Le jambon beurre est réussi. Le jambon beurre est réussi. Le jambon beurre il est bon. Le jambon beurre il est bon. Elle te plaît cette chanson? Oui, elle est pas mal. Alors on la mettra sur le prochain album.